Alors, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Il y a personne qui t'a suivi? Non, c'est bon, t'inquiète pas. Bon, raconte, t'as quelque chose d'intéressant pour nous, quoi? Ouais, demain, Niax et son équipe, ils vont monter sur un dab, là, à Sartrouville. T'es sûr? Ouais, ils sont chauds, hein. Putain, c'est votre comme ils sont et avec quoi ils vont taper? Ouais, 4 mecs et j'ai entendu avec un RS4 et fais attention, j'ai entendu que Niax il a des explosifs, ils vont tout faire péter. Bah, là, c'est bon, là, tu m'envoies du lourd, là. Bon, reste branché, si y a d'autres infos, tu me les envoies. Ah, ok, c'est bon pour moi. Et toi, pense à mon oseille, hein. Ouais, pense à moi d'avoir des infos, c'est plus important. Ouais, ton oseille, bon. Tu me rappelles. Allez, vas-y, va-t'en. Okay. Allez, vas-y.